Hein, ça fait la manchette dans les journaux. Le maire Labeaume qui parle de boycotter l'intolérance. Hier, il a fait a participé hier à une conférence de presse de l'Alliance Arc-en-Ciel. Ça, c'est l'organisation qui organise la fête arc-en-ciel qui va se dérouler du 28 au 31 août prochain. C'est une bonne affaire, tu sais, regarde, si ça amène du tourisme, regarde, tant mieux. Je pense qu'économiquement, ça peut être très bon. Mais là, hier, il a commencé à dire qu'il y avait des médias qui endossent l'homophobie. Blogs, journaux, il dit que ça inclut toutes les plateformes médiatiques, les journaux, la radio, la télévision, les blogs. Et on est encore à la recherche des commerces qui endossent l'homophobie. Pas quelqu'un qui a fait une joke dans un souper à quelque part un moment donné ou un animateur de radio qui s'est échappé en 2004 à Radio X ou ailleurs là, avec une joke sur les homosexuels. Non, de la vraie intolérance, de la véritable ouais. Homophobie où les couples gays sont pas les bienvenus ou encore se font traiter c'est de normes. C'est ça qui laisse sous-entendre là, que la ville de Québec est une ville intolérante. Exactement. Et donc, puis c'est allé loin de dire que des entreprises endossent l'homophobie, et que là, il songe à ses amis, avec ses amis, à attaquer le portefeuille de ces entreprises-là. Je pense que c'était important de vérifier avec quelqu'un qui fait partie de l'Alliance Arc-en-Ciel. On va aller rejoindre M. Olivier Poulin, qui est directeur général de l'Alliance Arc-en-Ciel. M. Poulin, bon matin. Oui, bon matin, merci de m'inviter. Je veux juste qu'on revienne rapidement avant de parler des propos du maire Labeaume, parce que je veux vous entendre là-dessus. Fête Arc-en-Ciel, donc, du 28 au 31 août. Est-ce que c'est encore important pour la communauté gay de se rassembler, d'avoir ce genre de fête-là dans la région de Québec? Je pense que c'est important pour la communauté gay, mais c'est important pour la population en général aussi. C'est une belle occasion de célébrer les avancées des droits et de rappeler que, malheureusement, il existe encore, moins qu'avant, évidemment, là, mais des problèmes de discrimination à Québec et au Québec en général. Québec, c'est la capitale quand même, alors le message est fort. C'est un message fort que M. Labeaume a lancé là à sa façon. On y reviendra tout à l'heure. Mais oui, effectivement, c'est le 10e anniversaire cette année là des célébrations de la fierté. Puis nous, ben, si on tient encore l'événement, c'est parce qu'on le juge encore pertinent, parce qu'on pense qu'il y a encore sa raison d'être. Est-ce que ça attire quand même pas mal de tourisme? Est-ce que économiquement parlant, est-ce qu'il y a un impact important pour la région de Québec? Parce que des fois, je trouve qu'on honnêtement, on mise pas assez sur le tourisme gay à Québec. Je reviens de la côte ouest, puis ils m'ont dit une affaire dans l'hôtel où j'étais, très honnêtement, je vous le dis clairement, j'avais l'impression à la piscine d'être le seul couple hétérosexuel. Les couples gays me semblent voyager beaucoup. Est-ce qu'il y a un impact majeur économique à Québec pour ça? Pardon. Vous avez raison. En général, la population gay voyage plus et dépense plus, là. Bon, pour la raison évidente que les couples gays ont moins d'enfants, là, c'est de moins en moins vrai. Le mot parentalité, c'est une réalité aujourd'hui, puis on peut très bien être homosexuel et élever des enfants, là, mais voilà, oui, vous avez raison. Le tourisme gay, c'est très important à l'échelle internationale. Puis le Québec a longtemps été un précurseur à ce chapitre-là, beaucoup Montréal, mais Québec aussi. Puis avec le temps, ben, il y a d'autres villes qui ont allumé, il y a d'autres pays qui sont dit, tiens, on veut l'argent rose aussi. Alors c'est sûr que c'est un phénomène un peu moins présent, puis à Québec, l'accent est moins mis là-dessus. En même temps, l'Office du tourisme nous appuie, le ministère du tourisme aussi. On a du financement. Les sous que la ville nous donne aussi, évidemment, c'est dans l'optique du développement, tu sais, de touristique et en tout cas du volume d'affaires, un peu de l'activité économique de notre événement. Là, M. Labeaume embarque aussi parce qu'il est conscient qu'il y a des impacts sur sa ville, puis c'est un homme d'affaires, là. Mais j'ai pas de statistiques claires pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a 2 ans, quand on a fait un sondage sur nos 20 000 festivaliers, puis c'est pas nous qui avons fait le sondage, c'est une firme professionnelle, sur les 20 000 festivaliers, il y en avait 30% qui venaient de l'extérieur de la grande région de Québec. Mais tant mieux. Et là-dessus, 15% qui ont logé à Québec parce qu'ils venaient d'assez loin pour ça. OK, genre nord-est des États-Unis, puis tout ça, il y en a qui viennent pour ça. Oui, c'est ça. Bon, tu sais, mais il n'en vient pas une tonne encore des États-Unis ou d'Europe et tout, on travaille là-dessus. Évidemment, les gens viennent plus du Québec ou des régions limitrophes, là, tu sais, Ontario, Nouvelle-Écosse et tout, ou de l'extérieur de la grande région de Québec. Mais oui, la fête arc-en-ciel, de plus en plus, on la développe dans une optique touristique. On n'est pas encore une destination gay, là, vraiment reconnue, parce que, tu sais, il y en a, veut, veut pas, vous parliez de Montréal tantôt, puis je veux pas tomber dans les préjugés, mais il y a quand même une réalité. Je veux dire, tu t'en vas, mettons, à Cape Cod, à Provincetown, tu le vois, c'est évident que c'est une destination pour les gays et tout ça, mais on n'est pas encore dans ce circuit-là, là. Non, pas tout à fait. Mm-hmm. Puis écoutez, on aurait quand même du chemin pour à faire pour l'être là, parce que c'est des destinations reconnues comme très festives. Nous, on veut vendre Québec comme une destination romantique là. À la limite, genre venez vous marier à Québec là. Venez faire comme si vous étiez à Paris, mais vous n'avez pas à payer le billet d'avion jusque là, puis vous n'avez pas de décalage horaire là. Okay. On veut vendre Québec comme une belle destination de vacances entre conjoints de même sexe, baby boomers ou peut-être un peu plus jeunes qui ont des soupes qui viennent se gâter là. Tu sais, ils dorment pas au Best Western, ils dorment au Pur, ils dorment au Château Frontenac, ils vont au Saint-Amour, ils sortent dépenser de la grosse argent à Québec. Là. C'est la clientèle qu'on vise, puis on vise les francophones, les francophiles, ceux qui aiment le petit côté franco. L'aspect gros party nightlife, là, toute la nuit, tea dance et compagnie, on laisse ça à Montréal, parce qu'à Québec, là, ça lève moins ces activités. Ça lève moins, OK. Ouais. Là, je veux vous entendre sur les propos du maire Labeaume, parce que là, il est allé loin hier, je trouve. Il parle de boycotter l'intolérance, attaquer le portefeuille des entreprises qui endossent l'homophobie. Il parle de journaux, de radio, de télévision, de blogs. De quoi il parlait exactement? J'essaie de comprendre depuis ce matin, puis à quoi il fait référence? Écoutez, j'étais pas 100% au courant, puis par 100%, j'ai envie de vous dire pas, là. Mm-hmm. J'étais pas tant que ça au courant des propos du maire. J'ai été un peu surpris comme vous, là, dans le sens que j'étais pas briefé sur le contenu de sa déclaration. Moi, le bon côté que je retiens, c'est que M. Labeaume souhaite qu'il n'y ait pas d'homophobie à Québec. Et moi, la façon dont je comprends son message, finalement, là, la façon dont j'ai envie de vous dire que moi, je l'ai compris, puis que nous, on va travailler, c'est comme quoi, ben, M. Labeaume lance un message à la communauté d'affaires, comme quoi elle devrait s'associer avec notre organisation de près ou de loin pour favoriser une belle ville sans homophobie et sans discrimination. Ça, je comprends, moi, c'est comme ça que j'ai reçu, puis nous, c'est comme ça qu'on travaille, même que on s'appelait avant GLBT Québec lutte à l'homophobie comme organisme. Maintenant, on s'appelle Alliance Arc-en-Ciel. C'est justement pour être dans le positif puis aller voir les organisations. Ben oui, ça, je comprends. Écoutez, aidez-nous, financez-nous une belle campagne de sensibilisation. On va vous mettre de l'avant comme une organisation gay-friendly. On va vous aider à le devenir complètement, puis vous allez aider notre organisation à être bien financée, puis aller de l'avant, puis avoir un impact encore plus significatif. Ça, je comprends. Alors, moi, c'est comme ça que je retiens la balle au bon. Okay. Maintenant, qui M. Labeaume visait exactement avec ça, c'est une excellente question. On n'a pas fait de liste. Vous le voyez pas, là, je veux dire. Il est arrivé, il est reparti, scrum, let's go. Alors, il va falloir faire un suivi avec lui. Ah, c'est ça. Ce qu'il entendait. Mais c'est parce qu'il y avait comme un ton accusateur, mais vous me confirmez que vous, des entreprises clairement homophobes qui affichent leur homophobie, que ce soit des médias ou d'autres types d'entreprises, vous n'êtes pas capable d'en identifier ce matin, M. Poirier. A priori, non. Honnêtement, là, je suis pas ici pour faire du name dropping d'organisations qui travaillent mal. Je sais pas là à qui ce chapeau là fait. Mm-hmm. Chose certaine, je veux dire, si c'était si grave que ça, on l'aurait probablement déjà dénoncé, puis je pourrais vous le dire. Ouais. Si c'est pas si grave que ça, ben en général, nous, on a tendance à essayer de travailler d'une façon positive et d'approcher l'organisation pour lui dire, écoutez, vous auriez peut-être avantage à si ça, puis là, M. Labeaume a déclaré ça, voici ce que la communauté gay pourrait peut-être vous rapporter aussi en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est quand même vrai que la population gay, en général, a tendance à aller dans des établissements qui sont ouverts à la diversité. Alors, c'est payant. C'est pas des boycotts officiels. T'sais, nous, à Québec, moi, comme directeur général, j'ai jamais lancé le message de « allons pas chez telle compagnie ». Walmart a déjà eu des épisodes un peu homophobes. Barilla, les pâtes, là, le directeur général de la compagnie Barilla avait dit « moi, mes pâtes, j'ai fait pour les couples hétéros, pas pour les couples gays ». Il y a des exceptions. Des gens qui m'échappent des fois comme ça. Ouais. Je vous rassure un peu, là, en tout cas, et vos auditeurs, là, mais l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec ne part pas en guerre contre les organisations homophobes. Là. Et même notre nouvelle identité qu'on a lancée hier, c'est justement pour être dans le positif, dans la promotion de la diversité, puis pour travailler avec la communauté d'affaires à bâtir des partenariats. Merci beaucoup, M. Poulin. Ah ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il nous l'a dit, hein, incapable d'identifier une entreprise qui endosse l'homophobie. Le maire est allé fort hier, là, honnêtement, là. De dire que on doit que les commerçants doivent être positifs et doivent favoriser ça, puis essayer d'attirer cette clientèle-là, puis d'être ça, c'est parfait. Mais de commencer à dire directement, nous autres, on va viser des entreprises, des médias, puis avec mes amis, je suis en train de penser à ça, puis on va les boycotter, puis on va les pogner par le portefeuille. Je pense qu'il est allé un peu trop loin, le maire Labeaume, là, sur cette position-là. Là. Comme si Québec était une ville homophobe. On l'est pas. On a l'impression qu'il est en train d'essayer de changer une image que Québec aurait, alors que c'est pas le cas, puis c'est ce qui est retenu ce matin, là. On n'est pas à Provincetown, mais en même temps, on est loin d'être une ville homophobe. Provincetown, j'en parlais dans l'entrevue. Ça, c'est, là-bas, c'est vraiment spécial, par contre. C'est vraiment, là, t'arrives là, et c'est vraiment à peu près, je te dirais quoi, 70-75% des couples qui sont là, qui sont des couples homosexuels. Ça c'est fait vraiment des décennies que c'est de même, Provincetown. Ça a toujours été comme ça, puis c'est encore comme ça, puis c'est vraiment la destination. Fait qu'on n'est pas rendu là, mais je pense qu'on peut dire que Québec est une ville gay-friendly. On doit l'être, on devrait l'être encore plus. Et essayer d'attirer encore plus ce tourisme-là qui est très payant. Puis souvent, on dit tout le temps, ah ben, ils ont pas d'enfants, ils ont plus d'argent. C'est pas juste plus d'argent, plus de temps aussi. Parce que quand, c'est une réalité. Je veux dire, quand t'as pas d'enfants, puis je comprends que M. Poulain dit qu'il y a de plus en plus de gays qui ont des enfants, mais on s'entend que c'est pas encore, le pourcentage de couples homosexuels qui ont des enfants est pas encore extrêmement élevé. Mais c'est des gens qui ont du temps pour voyager, qui ont pas d'obligation avec les enfants à l'année longue. Puis là, c'est peut-être une généralité, là, mais ceux que je connais qui sont venus faire du tourisme à Québec, là, ça dépensait d'un gros hôtel et dans les très bons restaurants et ça, tu sais. Des gens qui ont du goût, souvent. Ouais, mais c'est ça, et ma généralité, là. Ouais. Ben, ça fait du bien de généraliser. Sois pas gêné. Ça fait du bien, des fois, de généraliser de temps en temps. Je m'inspire plus de toi. C'est des gens qui ont du goût, puis qui regardent le design, ils aiment ça, ils aiment les beaux hôtels, ils aiment les bons restos, comme ça. Je m'étais fait demander, est-ce qu'il y a des boutiques où on peut aller acheter des vêtements de designers du coin, des sacs, des trucs comme ça? J'ai comme fait, okay. Ben oui. Non, ils dépensent, là. Non, ça, c'est une clientèle, peut-être, qu'on n'essaie pas assez d'attirer. 8h45. Le show.